Bonjour. Vous avez peut-être vu, y a des choses qui se passent. Bon, de plus en plus. Ça fait un bout de temps qu'on n'a jamais de répit. Il y a tout le temps quelque chose. Mais ça fait même plusieurs années. Donc là, on va jaser un peu. Mais on va prendre ça avec humour. Parce qu'il y a des choses, c'est peut-être pas aussi inoffensif qu'il n'y paraît, mais c'est ridicule. Donc, ça donne rien de le nourrir en prenant ça trop au sérieux non plus. De toute façon, ce qui a à se passer, ça passe. Hein? Par définition. C'est pas un peu un truisme, ça? Bon. Hein? C'était quoi, donc, si monsieur Untel n'était pas mort, il ne serait pas mort, je sais plus. En ce moment, il se passe des choses assez intéressantes. Puis on a des développements. On peut voir qu'il y a une fuite vers l'avant. Il y a une fuite vers l'avant. Que certaines tactiques au niveau de la psychologie de masse fonctionnent parfaitement. Puis il y a des gens qui vont s'enfoncer de plus en plus jusqu'à la chute finale. C'est très intéressant. Ben, si on le prend en tant que spectateur, puis que on a la capacité d'avoir une certaine distance avec certaines choses. De toute façon, quand on a pris certaines dispositions, on n'a pas à être inquiet. Mais il reste que c'est tout un divertissement qu'on nous offre. Et puis, on pourrait parler de divertissement au sens de diversion. Donc, il y a des sujets qui étaient pas dans la sphère publique, mais qui étaient plus dans des sphères que je dirais parallèles, alternatives, qui commencent à entrer dans le public. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été semé au niveau de certaines formes de pensée alternatives par certains groupuscules liés au renseignement, ce que j'appellerais liés au renseignement, ils considèrent qu'il est temps que ces petites graines-là ont assez germé pour les amener dans le grand public. Donc, ça sert de diversion, puis ça va occuper les gens. Puis, c'est à ça que ça sert. Donc, étant donné que ça brasse pas mal, par exemple en Europe, en France, entre autres, il y a certains sujets nouveaux qui apparaissent, qui vont apparaître dans la sphère publique. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'occuper. On a besoin d'occuper, puis on a besoin de semer une certaine confusion. Donc, ils vont aller selon cette logique-là. Là, dernièrement, j'ai vu quelque chose où on disait tout le monde est dans une secte, absolument tout le monde, comme si ça n'existait pas des individus totalement individués, comme si ça n'existait pas. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une vision engendrée par la polarisation, puis aussi la grégarité, puis certaines formes d'altérité psychologisée qui sont extrêmement sournoises. Donc, OK. Puis là, on nous met le logo de la 5e République française, la République maçonnique qui est de nos jours totalement sous le contrôle d'instances extérieures, pour ne pas les nommer là, ce que Woodrow Wilson y appelait la Société des Nations, mais dans le fond, ce qu'on peut appeler aussi ce qui est militaire parallèle, comme le Canada, c'est le NORAD, là-bas, c'est l'OTAN. Puis de toute façon, ceci faisant partie de cela, puis bon. Mais la France, ça fait longtemps que c'est pas un pays indépendant. Donc, de toute façon, l'Union européenne, qui était jusqu'à un certain point une idée des avec les Américains jusqu'à un certain point, ou ce qu'on pourrait appeler ce qu'il y a derrière, les Américains s'en mêlent puis créent ce que l'idée d'Union européenne. Il y en a d'autres plus germanophones qui avaient eu cette idée-là, que je ne vais pas nommer, tout simplement, parce que sur YouTube, de plus en plus, on va surveiller ce qu'on dit. Donc, c'est pas pour rien qu'il y en a qui ont parlé après la Deuxième Guerre mondiale, d'une nazification de l'Amérique. Vous savez, paperclips, ces choses-là. Donc, on nous met le logo de la 5e République. Puis là, à côté, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on nous met? Le logo de l'OTS. Comme si ça avait. L'OTS, qui a fait 74 victimes des décès, là, officiels, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a eu des victimes collatérales. Il y a de l'argent qui a disparu. Le grand maître, le vrai grand maître que je nommerai pas. Pourquoi? Parce que, de toute façon, c'est déjà âgé maintenant. Lui, il est libre comme l'air, hein? Donc, au Québec, ça a fait des ravages. Puis, il y avait des gens, des hauts fonctionnaires qui étaient là-dedans. des hauts cadres d'Hydro-Québec qui sont décédés d'ailleurs, un couple qui est décédé. Puis, comme d'habitude, notre ésotériste du Nouveau Monde, il nous montre ça comme si c'était quelque chose de positif, l'OTS, alors que c'est une organisation criminelle dégoûtante. Ben, premièrement, il y avait eu la Golden Way. Mais c'est quoi la Golden Way? Ça vous rappelle pas? La Golden Dawn? Puis bon, c'est du luciférisme, c'est du luciférisme. Ces gens-là sont, dans le fond, le luciférien inconscient qui s'ignore ou qui s'assume va être de plus en plus décomplexé. Ils sont de plus en plus décomplexés, les luciférien. Puis vous allez le voir. Vous allez le voir. Prenez la ferme expérimentale qu'il y avait à Moronite, qui était liée à l'OTS. Par exemple, il y avait une espèce de phobie de groupe par rapport à l'hygiène, comme par exemple les légumes biologiques, là, parce que eux autres, c'était comme des granolas, mais complètement fous. Ils étaient lavés à l'eau de Javel jusqu'à 8, 9, 12 fois de suite. Pourquoi? Ben, on peut considérer que ça, c'est un petit peu des expériences sociales, hein, qu'on expérimente dans des petits groupes avant, après, de s'en servir pour les masses. Donc, oui, il y avait une certaine obsession de l'hygiène. Les eugénistes sont devenus des hygiénistes. Puis ça, est-ce qu'on ne l'a pas assez vu dans les dernières années? Donc, puis après, bon, il y a le logo, l'OTS, puis après, à côté, whoop! Logo les Raéliens qui sont des eugénistes assumés, ben oui, Chose Vorion, il dit qu'il est pour une géniocratie. D'ailleurs, il s'est sauvé au Japon, il se fait appeler Maître Ya. Il faut tout le temps que ça soit grandiloquent, il faut tout le temps que, bon, mais c'est un jeu de mots avec Maitreya. Puis vous savez, au Japon, ils sont plus tolérants qu'ici. Mais là, si vous connaissez l'histoire du Japon, comme à l'époque des Tokugawa, les persécutions qu'il y a eu pendant le shogunat Tokugawa, puis bon, après la restauration des Meiji, puis bon, les Japonais, culturellement, sont très tolérants dès qu'il est question de religion. C'est pour ça aussi que Shoko Asahara, Aum Shinrikyo, et ça, ils l'ont pas vu venir, puis ils n'ont rien fait jusqu'à ce qu'il y ait une catastrophe. Les attentats dans le métro de Tokyo, puis bon, c'est tabou, la spiritualité au Japon. Ou ce qui est de cet ordre-là, c'est comme une certaine partie de la Russie, c'est le paradis pour des gens comme ça. Des gens comme ça. Maintenant, par rapport à un invité qu'on a vu, il y a certains parallèles à faire au niveau de certains traits psychologiques. Puis, bon, pour ce qui est des Raéliens, ils n'ont pas produit de clones, mais ils ont produit beaucoup de clones. Mais là, je ne dis pas ça pour être insultant, mais ça revient à ça. Pourquoi? Ben, prenez par exemple la contre-culture des années 60-70. Les hippies s'habillaient d'une façon, comment est-ce que je pourrais dire ça respectueusement? On va dire excentrique, OK? Qu'est-ce qu'il nous dit Bernard que l'excentricité, c'est de l'enfantillage. Mais bon, c'est pas des apôtres de la simplicité au sens où on le voit dans d'autres philosophies, disons. Puis, il se promenait dans des véhicules faits pour attirer le regard. D'ailleurs, ayant eu ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des agents de la paix dans ma famille, puis étant issu d'une lignée de gens qui étaient, bon, des gens liés à la loi, ben souvent il y avait des problèmes parce que légalement un véhicule peut pas, bon, il y a certaines règles, là. Mais c'était toujours pour attirer le regard, puis bon, et donc ils peignaient des fleurs, puis des affaires sur leur auto, puis bon. Donc vous aviez l'apparence excentrique, là, il y a un profil psychologique, puis là par exemple le véhicule. C'est du prosélytisme au fond. C'était écrit dans le temps des hippies, des Flower Power. Puis bon, on retrouve ça là, un petit peu. Vous vous souvenez, là, l'Académie Unarius, le roto là, avec un gros ovni dessus, puis les robes de Ruth Norman. C'est des gens qui n'ont pas peur du ridicule. Mais contrairement à ce que souvent était dit, prenez l'OTS par exemple, il y a eu des décès. Donc moi, contrairement à ce qui est souvent dit, moi je vous dis. Les ridicules tuent. Pourquoi? Parce que les forces astrales, ça mène toujours vers la mort, ça finit tout le temps. Mais des fois, bon, c'est sur du long terme, puis il y a des gens qui vont être des prosélytes, qui eux vont vivre quand même assez longuement. parce qu'ils servent d'agents au niveau de certaines forces occultes, tant qu'à moi, pour amener des gens vers ce qu'on pourrait appeler une fausse identité. Parce que là, ça revient à être mort-vivant à un moment donné. Hein? Si vous comprenez, qu'est-ce qu'on entend par l'ego. Puis le fait d'être pris pour assumer un personnage. Parce que prenez Claude Vorion, c'est un personnage. Bon. Hein? C'est tout le temps lié aussi à la ponction d'énergie. Donc, il va tout le temps y avoir quelque chose d'ordre pécuniaire de lié à ça. Puis bon, là, on voit ça, l'apparence. Bon, dans le fond, c'est des hippies. C'est des hippies. Il y a quelque chose de lié au Nouvel Âge par rapport au mouvement hippie. Bon, la spiritualité, prenez les Beatles qui sont allés en Inde, puis tout. Bon, c'est du Nouvel Âge qui s'est scientifisé. Puis ça, on le voit même avec l'OTS. Parce qu'il y avait une sorte de par exemple, qui servait de trucage assez complexe, là. Puis bon, pour impressionner, c'est tout le temps pour créer de l'impression. Parce que bon, pour faire... Bon, c'est un peu comme le coup de gong là, de Charcot pour mettre en transe les hystériques. Ça revient à... Bon, on va créer de l'impression. Donc, dans l'OTS, il y avait des trucages avec des épées, qu'il y avait des lumières là, qui apparaissaient. Puis là, les maîtres célestes, puis blablabla. C'est pas pour rien qu'il y avait le phénix comme symbole. Si vous regardez le sceau de l'OTS, il y a un phénix. Puis c'est pas pour rien aussi qu'ils ont pensé que comme les Templiers, il fallait qu'ils passent par le feu. Au moins, les Templiers, c'était pas volontaire. Mais dans l'OTS, c'était pas tout volontaire. Ça, je vous le garantis. Puis c'est pas tout à fait mort. Puis c'est quoi une des caractéristiques du phénix? Il renaît de ses cendres. Mais c'est un symbole de l'involution, le phénix. Pourquoi? Parce que c'est de la transformation d'un état à un autre. Mais c'est pas de la transmutation. C'est tout le temps le même oiseau. Tout le temps, ça tourne en rond. C'est des cycles. C'est tout le temps le même oiseau qui revient. Donc, c'est un des symboles du luciférisme aussi. Même si c'est pas vu comme tel, il reste que ça revient à ça. Donc, des forces involutives, hein, comme involution, révolution, circonvolution. Bon. Donc, je regarde ça, puis... j'avais pas eu le temps, puis mais là, j'ai pris le temps. J'ai regardé ça avec attention. Puis bon, on peut pas l'haïr, on peut pas les haïr, là, pas autant, même j'ai essayé, puis bon, c'est parce que jusqu'à un certain point, même, je vais considérer qu'on peut avoir une certaine pitié, parce que là, se leurrer à ce point-là, au point de, bon, parce qu'après plus de 40 ans dans quelque chose, d'être encore à défendre Claude Vorion, il y a un problème, il y a de quoi qui rentre pas, il y a de quoi qui a pas été vu. Il y a de quoi qui n'a pas été compris, là. Puis surtout, prenez l'affaire qu'il y avait eu sur les clonages, puis finalement, bon. C'est au lieu d'être maintenant une promesse de paix, comme dans le temps du Flower Power, ces affaires-là, ils se sont convertis à une promesse, mais c'est toujours au fond sensuel, dans le fond, parce que c'est tout le temps une promesse, par exemple, d'immortalité. Mais ça caractérise le luciférisme. Ces gens-là vont être immortalisés dans un corps physique. Donc, c'est luciférien. Puis c'est des lucifériens qui s'assument. Puis ce monsieur-là, son surnom sur Internet, surnom qui s'est choisi, c'est Lucifer, suivi de son nom de famille. Donc, on ne peut pas accuser que c'est malhonnête. On ne peut pas accuser que c'est malhonnête, mais je pense que c'est naïf. Parce que, bon, le luciférisme, ça mène, c'est pas pour rien qu'ils sont obsédés par l'ascension. Les affaires d'ascension, ben oui, c'est le fruit d'une chute. On parle d'âmes qui sont le fruit d'une chute. Donc, c'est sûr qu'ils vont être obsédés par l'ascension, les affaires d'ascensionner. Mais là, c'est rendu qu'ils mêlent Trump aux Pléiadiens. Puis Trump a été mandaté par les Pléiadiens. Puis, il y a certains délires qui ont été voulus par certains groupuscules liés à des ce que j'appellerais des agences de renseignement qui ont été mis implantées dans le public. C'est de l'induction. Puis là, il va en avoir de plus en plus. Puis comme il y a beaucoup de craintes en ce moment... Il y a du monde qui vivent certaines épreuves, parce que veut pas. avec l'inflation, puis bon, le stress augmente, il y a de plus en plus de gens qui vont fuir dans l'irréalité. Puis on le voit au niveau du discours, cette espèce de relativisme. Ils vont dire, oh, chacun sa réalité, c'est pas pour rien. Par exemple, que quelqu'un comme Bernard, il parlait pas la réalité, il parlait le réel. C'est quoi qui est le réel? Pas des réalités d'un puis de l'autre. C'est quoi le réel? Mais là, il est question, oh, chacun sa vérité. Le relativisme, là, oh ben, l'arnaque de clonage de Raël, ça l'a aidé à éveiller des gens. Ben oui, c'est ça. Je vais dire, oui, ben oui, parce que ça bifurque, puis là, oh oui. Vous savez, c'est quoi un serpent, comment ça évolue sur le sol, etc. Ouais, c'est ça, quoi que ça a donc aidé. Oui, je suis d'accord que ça a aidé du monde à se réveiller, du monde qui le défendront pas, voyons. Eux autres sont réveillés pour vrai. Puis du monde qui vont tout faire pour les médailles qui ont pris le bord des poubelles. Là, je serais d'accord que ça servait à éveiller. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais comme je vous dis, bon, on a affaire à des vieux hippies qui sont passés d'un trip à un autre. Puis ça achève. Ça achève. Parce que quoi, ils ont quoi en moyenne comme âge? Ils vont passer le cap des 80, là. À un moment donné, bon, veut, veut pas. Hein? Donc, ça achève. C'est comme n'importe quoi, c'est-à-dire que la chute, c'est souvent bon, mais on peut se douter que ça va s'amplifier dans le ridicule. Le ridicule, pas pour. Le ridicule, faut être extérieur au ridicule pour le voir. Quand on est dedans, souvent on ne le voit pas. C'est un peu comme un rêve. Quand vous rêvez, vous ne vous rendez pas compte que ça n'a pas d'allure, que ça ne se tient pas, parce que vous êtes dans le rêve. Mais quand vous vous réveillez, là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que ça n'a pas de bon sens. Il y a du monde qui vont s'enfoncer dans leur rêverie, ils vont s'enfoncer dans leur réalité. Puis ça mène vers quoi? Puis c'est un chemin par rapport à quoi? Puis bon. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Même, finalement, je ressens pas trop de colère par rapport à ça, parce que là, on touche du un petit peu plus inoffensif. C'est pas aussi inoffensif que ça pourrait le paraître, mais c'est du un petit peu plus inoffensif. Pourquoi? Parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Donc c'est un petit peu moins dangereux. Mais là, il nous parle de quoi? Comme date, la nouvelle date, là? 2033. Ouais. 33. Trois fois 11. Puis bon. Mais ça, c'est leurs obsessions à eux autres. Mais à un moment donné, quand on les connaît, on reconnaît le langage, on sait pourquoi, puis pourquoi ces certains mots-clés vont déclencher l'induction, puis l'état second. L'état second. Donc, bon, c'est correct. De toute façon, ça achève. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des germes qui ont été semés, des petites graines qui ont été semées, puis ça va germer, puis les générations d'après, dont la mienne, il y en a que, oui, ils vont embarquer dans les nouvelles folleries, hein, de plus en plus perfectionnées, parce que les consultants psychologie de masse, notamment, puis bon, qui ont, par essai erreur, puis par expérimentation, qui ont peaufiné certaines techniques de psychologie de masse, pour téléguider les masses, entre autres, influencer des contrôleurs, si on peut dire. Ben là, ça veut dire que quand certaines formes sont rendues désuètes, c'est parce qu'il y a des formes plus perfectionnées, plus subtiles encore qui s'en viennent. Ça m'inquiète. Bon, on n'est pas pour s'acharner sur des grabataires. Ça serait pas correct. Puis bon, à un moment donné, ouais, j'ai eu des petits coups de colère, mais là, bon, hein, on va se mettre pas à taper sur des ambulances. Puis jusqu'à un certain point, c'est pitoyable, dans le sens que ça fait un petit peu pitié, là. C'est jamais beau, hein, la fin d'une maladie dégénérative. Parce que la spiritualité, au sens de l'astralisation, c'est dégénératif. C'est dégénératif. Puis il est question de dégénérescence, là, au sens où on l'entendait anciennement. Pas au sens là, juste la génétique, mais au sens de la corruption de l'âme. C'est-à-dire que plus qu'il y a de l'expérimental de ce type-là qui s'accumule, puis plus c'est comme une contamination, là. Puis bon, il y a du monde, ils veulent pas abandonner certaines formes. Donc, ils vont mourir avec. Puis bon, donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est pas grave. Là, possiblement, je vais avoir un entretien bientôt avec David Lévesque. Pour ceux qui suivent L'Oiseau moqueur, je pense qu'il était, il est censuré pour 2 semaines. Ça fait un petit bout de temps, là. Je pense qu'il va y rester une semaine, un petit peu plus. C'est sûr qu'il va revenir, là. Puis bon, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Ah oui, c'est ça, il y avait le logo. Il y avait le logo de la République, la 5e République. Après, il y avait l'OTS, groupuscule qui me lève le cœur. Vraiment, là, Jody Mambro, quel être repoussant. Quel être repoussant, petit escroc. Suisse, bijoutier, fourgueur. Oh! En tout cas, Luc Jouret un petit peu plus charismatique, donc c'est lui qui servait de rabatteur, puis bon. Puis après, qu'est-ce qu'il y avait dans le logo, les Trekkies? Les Trekkies? Glenn Roddenberry, ça vous fait penser à quoi, ça? Hein? C'est un petit peu la Société des Nations, qui est devenue l'ONU, mais... Hein, de rentrer dans la tête du public dès les années 60, que c'était ces structures-là qui étaient l'avenir. Moi, l'avenir, je m'en fous. Ce que j'observe, c'est le présent. Parce que l'avenir est en germe dans le présent. Être clairvoyant, c'est ça. C'est percer la forme, puis voir l'avenir dans le présent à mesure. C'est pour ça que ça m'est arrivé des fois de voir des choses juste avant. Juste avant. Ben, aussi, il faut se rendre disponible. Ben là, ça, faut être bon. Faut être pas mal. En tout cas, c'est une capacité. Mais bon, il y a de plus en plus de gens qui l'ont. Donc, moi, les Trekkies, ça m'écœure. Je trouve ça laid. Je trouve ça cave. Désolé. Je m'excuse pas pour être insultant, mais c'est des affaires de ce qu'il y a eu un petit peu avant les geeks, là. Vous savez, là, le monde à la polyvalente qui font partie des clubs d'audiovisuel, là. Et qui jouent à des jeux de cartes, puis bon, ils ont des ancêtres. Ils ont des ancêtres, ben c'est le monde qui ont tripé sur ces affaires-là. Hein? Des bonhommes là, qui tripent un jeu de société, là. Leur sous-sol est rempli de jeux de société. Puis après, ben, quand c'est le temps de vendre la maison, ça ressemble à des ordres extrêmes, c'est pas trop vendeur. Donc, à un moment donné, il reste pris de toute façon, qui voudrait la maison de. À moins de penser pouvoir faire une plus-value, mais là, le marché est en train de tomber. Le marché descend, là. C'est plus le temps, là. Hein, on voit, il y a tout le temps un décalage, hein? Un petit problème de compréhension, puis c'est un gros délai de compréhension, un délai de. Comment je pourrais dire ça? C'est ça, quand on est dans une réalité, il y a un délai pour ce qui est de la vue de ce qui est réel. Puis on finit que on n'est pas. On n'est pas coordonné, on n'est pas synchronisé. Puis, ça, ben, ça peut nuire. Ça veut dire qu'on est en perte de vitesse. D'un autre côté, ça peut aussi être un défaut d'être trop en avance. Donc, bon. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Regardons ça d'un œil. Essayez de pas trop. J'essaie d'être moins condescendant un petit peu. Un petit peu. Mais là, bon, comme c'est plus. C'est pas aussi inoffensif qu'il paraît, par contre. Mais bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Bon, c'est ce que j'avais à dire. Donc, je ne sais pas quand je vais redonner quand je vais refaire une vidéo. Puis bon, mais ça devrait peut-être. Si j'ai une entrevue avec David Lévesque, je vais l'annoncer. Une fois que ce sera fait, là, je l'annoncerai puis je mettrai le lien. Bonne semaine.